c'est la même merde. J'ai pas assez d'argent pour les rendre fiers. J'vais peut-être finir par aller faire la guerre. J'fais mes boys, si ça me pas, on s'en bat. J'suis tout mis dans la tête. J'travaille que pour moi et ma famille, c'est comme ça. On parle avec les mains quand y'a plus rien à faire. Des mouchoirs quand y'a plus rien à perdre. J'ai tellement mal à la tête, j'prends des médicaments. Mais ça marche pas donc j'regarde en avant. J'pense au paradis, elle et moi en avion. J'aurais pas dû casser tous mes plafonds. Y'a pas de place assise dans ma tête. On est trop nombreux à vouloir faire de la merde. J'voulais plus t'aimer, c'était vraiment pas simple. On est trop nombreux à se perdre. J'suis en classe A devant mon joueur à la fin. Mais j'regarderai pas derrière moi. J'ai mon passé, j'ai mes histoires sans toi. Il faudrait pas que je m'enfonce encore. Ce soir, j'suis dans la ville. J'suis solo, je circule à vide. C'est même pas que j'ai pas d'amis. J'fais juste des dizaines d'insomnies. Demain j'essaierai d'aller mieux. Mais pour l'instant je sais pas comment leur dire que j'arrive pas. Ils se mentent en se regardant dans les yeux. Pendant qu'on lance, dirige vers un truc beaucoup plus stable. J'ai pas fini de les baiser, on va partir sans la villa. J'sais pas si t'as des envies, mais mon côté j'en ai plein. Qu'est-ce que t'as mis dans ma tête et on passe la nuit dans la caisse. Je me suis perdu dans mes pensées, mes souvenirs j'arrive. Y'a pas de place assise dans ma tête. On est trop nombreux à vouloir faire de la merde. Je voulais plus t'aimer, c'était vraiment pas simple. On est trop nombreux à se perdre. J'suis en classe A devant moi, je vois la fin. Mais je regarderai pas derrière.